En Corée du Sud, selon Yonhap News, la 8e division d'infanterie motorisée a livré les assassins de passage du fleuve d'envergure pour se déployer rapidement à l'intérieur nord-coréen dans le bassin du fleuve Han méridional de Ryeojo de la province du Gyeonggi le 2 novembre dans le cadre des assassins Hogo. Plus de 150 tanks, blindés, canons automatiques et d'autres moyens mobiles, des génies, des soldats de guerre chimique et d'autres forces interarmes ont été mobilisés. Les fanas de guerre ont fait appel aux obus fumigènes et aux hélicoptères.